Le jeudi, les bals des jeunes étudiants consacrés au 64e anniversaire de la grande victoire dans la guerre de libération de la patrie ont eu lieu dans la capitale Pyongyang et dans tous les chefs-lieux des provinces, villes et arrondissements du pays. Dans la capitale, les jeunes étudiants ont dansé en mélodies de chants variés, notamment la marche du 27 juillet et « Nous avons triomphé ».